Bonjour, ici Valérie Levé au micro de CKRL 89.1 et c'est l'heure de Futur Simple, votre rendez-vous hebdomadaire avec la science. Et aujourd'hui, c'est avec l'Arctique et l'intelligence artificielle que Futur Simple vous donne rendez-vous. À 18h30, je recevrai en effet Mathieu Tugal, chroniqueur et animateur à Radio-Canada et qui vient aussi d'écrire un livre sur l'intelligence artificielle pour les jeunes. Mais pour tout de suite, nous partons en Arctique à la découverte des plantes qui poussent dans la toundra, comment elles sont adaptées à leur milieu, comment les Inuits les utilisent. On parle de tout ça avec Rachel Guindon. Alors, si vous vous souvenez, Rachel est venue plus tôt cette année. Elle était étudiante à la maîtrise. Elle nous avait notamment parlé du filage de la laine des bœufs musqués. Rachel travaille maintenant en collaboration étroite avec les Inuits du Nunavik et je suis bien contente de l'accueillir à nouveau. Bonjour Rachel. Bonjour Valérie. Alors Rachel, transportons-nous dans la toundra avant de parler des plantes. Transportons-nous dans cet univers de la toundra pour comprendre les contraintes environnementales dans lesquelles les plantes doivent vivre. Oui, eh bien, c'est ça. On se rappelle que lorsqu'on est dans la toundra, on est dans un milieu nordique, on a souvent des températures assez faibles, hein? Il fait froid, on a des hivers qui sont longs. Donc, lorsqu'on est une plante et qu'on espère croître, ben, on n'a pas beaucoup de temps. Donc, une courte saison de croissance. Lorsqu'on regarde aussi au niveau des sols, ben, ce sont des sols souvent rocheux, acides. Donc, on a une couche organique assez mince. Donc, c'est pas évident pour une plante de s'établir et de croître, mais croyez-le, croyez-le pas, là, on a environ 2000 espèces de plantes dans l'Arctique canadien. Oui, donc lorsqu'on regarde une image de toundra, parfois les gens disent « Oh, il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup ouais, de choses. Hein? » On voit du caillou et puis on voit oui. Des choses qui dépassent, qu'on dit ça doit être un peu de mousse, ouais. Un peu de lichen, et on n'imagine pas la diversité. Mais là, oui. Pour préciser un peu les conditions bon, de température, même en été, il fait quoi? La température, ça va être quoi? Ça va être 10 degrés? Peut-être. Oui, mais ça dépend de où est-ce qu'on se retrouve là, dans un milieu arctique, mais et même au Nunavik, là, on a le haut, dans les latitudes plus nordiques, ben, il va faire plus froid. On a une végétation qui est encore plus courte. Mais lorsqu'on est près de Coudjoie, qu'on a des arbres, et cet été, on a eu des températures très chaudes, anormalement chaudes, évidemment. Mais au-delà du 20-25 degrés, là, donc oui, il y a tout un gradient qui existe, là. Et au niveau du vent aussi, est-ce que c'est venteux comme région et est-ce que ça peut être problématique aussi pour les plantes? Oui, mais c'est très venteux, hein. Évidemment, comme il n'y a pas d'arbres, principalement dans la toundra, c'est un peu la caractéristique dominante, bien, ça fait en sorte que le vent va balayer les paysages. Et lorsqu'on est une plante et qu'on essaye de pousser, bien, de se faire toujours pousser d'un côté, ça fait en sorte qu'on n'a pas beaucoup de chances de survie. Donc, c'est pour ça qu'une des stratégies auxquelles on pense, ben, auxquelles on est souvent au courant, qu'on constate rapidement, c'est la petitesse là, des plantes. Hein? Donc, on a des arbustes, bien, eux, leur adaptation, par exemple, lorsqu'on pense aux saules, bien, les saules du sud du Québec, ils sont plutôt hein, volumineux, on a même des arbres et tout. Évidemment, on ne retrouve pas la même taille dans la toundra, donc ils sont immensément, ils sont très petits. Immensément petits. Immensément petits, oui, c'est ça. Pour le décrire ainsi, mais c'est qu'ils vont pousser littéralement à l'horizontale. Hein. Ils n'ont pas intérêt à pousser à la verticale. Lorsqu'ils poussent à l'horizontale, ben, ça leur permet d'être recouverts par la neige durant l'hiver et donc il n'y aura pas de dégâts à leurs branches là, avec le vent, les gels et tout ça. OK, ça les protège du froid, ça les du vent aussi qui peut les dessécher aussi. Oui, exactement, c'est ça. On se rappelle qu'il y a le phénomène d'évapotranspiration. Hein. Lorsqu'on a un vent qui balaie continuellement, c'est dur pour les feuilles de retenir l'humidité et de rester belles et vertes et en santé. Donc, le fait d'être plus petit, ben, ils subissent moins les effets, l'effet desséchant un peu là, des grands vents qu'on retrouve dans le nord. Avant qu'on parle d'adaptation, Rachel, j'ai envie que tu nous parles un petit peu de quelles essences on trouve, pas des 2500, là, je vais pas te demander de me décrire les 2500 espèces, mais je suis interloquée par ce nombre-là. Donc, tu as dit, il y a des arbres à Koudjouak, puis là, tu parles des saules. Donc, en fait, on retrouve quoi comme type d'arbre, en gros, à Koudjouak? Et ensuite, au fur et à mesure, on trouve quoi? Des buissons, puis ensuite, c'est plus que de la mousse. Est-ce que tu peux nous dresser un petit portrait de ce qu'on voit visuellement? Oui. Ben lorsqu'on est dans la région de Koudjouak, on va voir beaucoup de mélèzes. Donc, c'est assez spectaculaire aussi à ce temps-ci de l'année, là, septembre, octobre, les mélèzes vont devenir très orangés, ils vont perdre leurs aiguilles. Donc, il va y avoir de l'épinette également. Et lorsqu'on continue de monter, ben là, on retrouve encore des arbres, mais de plus en plus petits, hein, de plus en plus rabougris, jusqu'à temps qu'on se retrouve dans une toundra où on n'a que des arbustes comme j'ai mentionné plus tôt, là, donc du bouleau glanduleux, des saules, des arbustes qui vont arriver, par exemple, à la taille des genoux, par exemple. Ah ouais, c'est ça. Et oui, puis ici on continue, ben là on va être dans la toundra herbacée. Donc là on n'a plus du tout là, on n'a même plus les arbustes avec les branches qui tentent de s'élever. On va voir un peu comme de l'herbe. On va voir, c'est très à ras le sol. Il y aura rien qui va dépasser vraiment votre cheville. Peut-être les roches et tout, mais il va y avoir beaucoup plus de lichens, de mousse, donc des groupes de fonctionnels, des groupes de plantes qui s'adaptent bien à ces milieux-là où personne ne peut pousser. Hein, lorsqu'on n'a pas de sol organique, c'est très dur pour un arbuste de s'établir, mais les lichens, les mousses vont s'installer. Donc, Ouais. on a vraiment un On grand. peut trouver quelque part aussi les petites plantes là comme les bleuets, des petites plantes Oui, comme ça, dans les strates ce intermédiaires. sont des arbustes qu'on retrouve partout, en fait, au Nunavik. Qu'on ait des arbres ou pas, on va les retrouver. Évidemment, eux s'adaptent en fonction de l'endroit où ils se trouvent, là. Donc, souvent, les arbustes de type vaccinium, on va les retrouver. Ils vont être un peu plus gros dans le coin de Koudjouak, un peu plus petits et ras le sol lorsqu'on monte, peut-être dans la région proche de la communauté de Rouactak, par exemple. Mais on les retrouve sur l'ensemble du territoire. D'accord. Et là, donc, quand tu parles de mélèzes, d'épinettes à Koudjouak, qu'est-ce qu'on doit s'imaginer? La forêt, une forêt dense d'épinettes, de mélèzes, ou c'est épars un petit peu Éparses, et oui, c'est ponctuel ça. par-ci par-là? Oui, c'est ponctuel, c'est par-ci par-là. On a des arbustes entre tout ça, mais on n'est pas du tout dans une forêt boréale de type fermé auquel on est habitué. D'accord. Donc là, on se visualise un petit peu mieux à quoi ressemble le Nord, l'Arctique. Maintenant, parlons donc des stratégies. Tu nous as parlé un petit peu de l'idée que de pousser en hauteur, c'était pas une bonne idée. Non. Pour se protéger du froid, en fait, ils font quoi à part se recroqueviller? Est-ce qu'il y a d'autres, je sais pas, d'autres stratégies? On parle par exemple dans le cas du bouleau, on dit que pas du bouleau, dans le cas de l'érable, je crois, on dit que le sucre empêche un petit peu de geler, je crois, et quelque chose comme ça. Donc, est-ce qu'on retrouve ce genre de stratégie, au nord? C'est une bonne question par rapport au sucre et tout. Je n'ai pas la réponse par rapport à ça. Dans les stratégies que j'ai vues, c'est très au niveau physiologique de la plante, je dirais. Mais je peux même vous mettre dans une mise en situation, là, Valérie. Imaginez que vous êtes dans la toundra. Vous allez dans la toundra. Quel serait le premier réflexe que vous auriez en tête? Moi, je vais mettre un gros manteau. Ben, c'est ça, exactement. Et les plantes ont également un comportement assez similaire, là. Donc, on va retrouver plusieurs plantes dans la toundra qui ont de petits poils très fins, limite laineux. Donc, ça va les recouvrir et ça va les garder au chaud. Donc, ça va leur permettre de conserver la chaleur, conserver l'humidité également. Et ils vont pouvoir fleurir plutôt tôt, là, dans la saison de croissance. Dès qu'il n'y a plus de neige, on va retrouver la pédiculaire laineuse. Donc, c'est une petite plante d'environ 5 à 20 cm de hauteur, très colorée. Donc, elle a beaucoup de petites fleurs mauves. Elle est très belle. Moi, je la trouve vraiment spectaculaire, là. Quand on regarde dans la toundra, on voit des petits spots de couleur mauve. Et c'est une plante qui est très connue dans la toundra, et les Inuits vont l'appeler Oumilik. Umilic, ça vient du mot umik en Inuktitut qui veut dire barbe. Donc, c'est la plante qui porte une barbe. Ça vous donne une idée à quoi elle peut ressembler. Et ce qui est intéressant, c'est que traditionnellement, c'est une plante qui est bien connue des peuples arctiques parce que on utilisait sa racine pour la manger. Donc, une racine pivotante, peut-être à peu près une dizaine de centimètres de long, couleur jaune-orangée. Et pour y avoir goûté, c'est plutôt bon. Ça nous rappelle le navet, presque un goût de noisette même. C'est très doux. Et bon, c'est l'équivalent d'une très petite carotte de la toundra. Ouais, donc est-ce que c'est manger cru ou est-ce que c'est cuit? C'était mangé cru, oui. Mais je pense qu'on pourrait la cuire désormais. Mais je pense que traditionnellement, les gens, en marchant dans la toundra, qui avaient une petite fringale, on déterrait simplement la plante là, pour Est-ce la que c'est manger. encore pratiqué? Je pense que oui, en fait, en allant prendre des marches avec des amis Inuits, c'est ces femmes-là qui m'ont expliqué que quand elles étaient enfants, souvent, c'est ce qu'elles faisaient. Donc, elles Ouais. partaient, ramassaient les racines et les mangeaient comme collation. D'accord. Donc ça, c'est la pédiculaire lineuse qui est comme laineuse, qui est comme couverte de petits pois. C'est des feuilles qui sont couvertes de petits Exactement. pois. D'accord. Oui, Donc c'est est-ce qu'il ça. y a d'autres plantes qui ont adopté cette stratégie de mettre un blouson laineux sur Il y leur en a, oui, il y en a plus qu'on pense. Il y a beaucoup de, par exemple, je vous parlais des arbustes, donc je vous parlais des saules ici. On imagine le saule, il n'y a pas tout à fait de petits pois, hein, les saules qu'on retrouve là, dans le sud du Québec, mais les saules qu'on va retrouver dans le nord du Québec, il y a une espèce, il y en a même plusieurs en fait, mais j'en ai une en tête, le Salix vestita, qui vont se recouvrir de petits pois. Donc la feuille est toute douce. Les chatons aussi vont être recouverts de petits pois, donc ça garde la plante au chaud, là. Et est-ce qu'il y a une stratégie aussi d'épaissir? Parce que nous, bon, on se dit, on va mettre un manteau, mais on va mettre un gros manteau. Ouais, exactement, c'est ça. Oui, il y a Est-ce que c'est des d'autres. feuilles aussi ou... C'est ça, oui, on va retrouver des plantes qui vont vraiment comme avoir une feuille plus épaisse, avec une peau plus épaisse, plus cireuse. Donc ça empêche l'évapotranspiration des feuilles, donc sous l'effet des vents qui finissent par dessécher. Lorsqu'on a cette adaptation-là, on est capable de croître dans le froid, dans le vent et tout. Donc c'est l'équivalent d'un manteau plus épais, là, comme vous mentionniez. Et un exemple de ça, en fait, c'est les airelles vindhida. Donc, les petits fruits rouges là, qu'on retrouve sur la côte nord aussi. Lorsqu'on regarde, on se rend compte que les feuilles sont très épaisses. Donc, elles sont très, très bien adaptées là, pour les environnements arctiques. Et pour donner un exemple d'utilisation de cette plante-là, c'est une plante qui était utilisée par les Inuits pour guérir les infections buccales, notamment chez les enfants. Donc, c'est une plante, évidemment, c'était utilisé traditionnellement, mais maintenant, il y a eu plusieurs études sur ces petits fruits-là et on se rend compte que c'est une plante qui est remplie d'antioxydants, astringents, donc ça a de très bonnes propriétés pour favoriser la guérison de petits bobos. Là, j'essaie de me projeter encore dans le nord, qu'est-ce que je ferais? Et en fait, ce que j'ai comme image, qui n'est pas adaptée à l'Arctique, mais plus à l'Antarctique, c'est l'image des manchots qui se regroupent sur eux-mêmes pour se tenir chaud. Oui, ben non, Peut-être que c'est une très. si j'étais avec des congénères humains, je ferais peut-être la même chose. On se colle là pour se tenir Exact. chaud. Exactement. Ben, les plantes ont encore une fois des stratégies très similaires à ça. L'une des stratégies, c'est vraiment de se regrouper. Donc, elles vont pousser sous forme de petits coussins très épais et très compacts. Ça limite la perte de chaleur lorsqu'on est dans temps froid, mais ça permet aussi de préserver l'air frais lorsqu'on a des grosses journées chaudes, là, comme qui arrivent de plus en plus régulièrement, là, avec les changements climatiques. Donc, ça permet de garder l'air frais et ça favorise leur croissance, évidemment. Un exemple de cette plante-là, de ces plantes dites de type coussin, on les appelle plantes coussin, en anglais c'est cushion plants, c'est nommé de cette façon-là, c'est la silène à colle, qui est, comme je vous l'expliquais, un petit coussin vert avec de jolies petites fleurs mauves qu'on va retrouver très fréquemment dans la toundra. C'est une plante qui est très petite, hein, qui est très au ras du sol. On parle de 2 à 5 cm maximum là, de hauteur. Là. Donc, elle veut vraiment rester le plus bas possible. Mais c'est plusieurs individus qui poussent ensemble, ou c'est un même individu qui se déploie mais de façon regroupée sur C'est elle-même? un même individu de façon très, très regroupée. En fait, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a l'impression de se dire, ah, ben, ça doit être plusieurs individus, mais lorsqu'on déterre la plante, un peu comme la pédiculaire laineuse dont je vous ai parlé, elle a une grosse racine pivotante qu'on peut également manger lorsqu'on est en petit besoin de légumes racines de la toundra. Donc, c'était aussi une collation consommée par les Inuits. Et ben, ce qui est intéressant, par contre, c'est que cette plante-là, oui, tu sais, c'est un seul individu qui forme un coussin, mais ça permet à d'autres plantes de s'établir. Donc, parfois, il va y avoir d'autres plantes qui vont pousser littéralement à travers du petit coussin parce qu'elles peuvent bénéficier de la chaleur, de la protection là, de la silène à colle. Peut-être un petit peu de matière organique aussi, de la Exactement. silène qui se décompose un petit peu, un peu de matière organique qui profite à d'autres. C'est ça, exactement. C'est une plante qu'on retrouve en Arctique, mais qu'on retrouve également en milieu alpin. Donc, les conditions sont similaires. Et c'est souvent une espèce pionnière. Donc, c'est une des premières plantes qui va réussir à s'établir suite à une grande perturbation. Lorsque le sol est mis à nu, il n'y a absolument rien, ben, ces plantes-là sont très bien adaptées à ce genre de situation-là et vont se mettre à croître et ça va permettre les espèces suivantes de s'installer et de progressivement se développer sur le terrain qui était peut-être perturbé. Est-ce qu'il y a aussi une adaptation de la forme, alors soit des feuilles, soit des fleurs? Parce que je pense par exemple, alors là, complètement à l'opposé, dans les milieux arides, les feuilles deviennent des épines, des aiguilles. Donc est-ce qu'il y a aussi un type d'adaptation là dans le milieu arctique? Et je ne sais pas si c'est au contraire pour s'étaler, pour profiter du peu de soleil, ou se rétracter pour pas avoir froid. Je me demande. C'est intéressant. Ben, l'adaptation que j'ai en tête, c'est celle du pavot arctique avec l'héliotropisme. C'est une fleur, donc un peu comme un coquelicot qui, ben, comme un tournesol, en fait, suivrait le soleil. Donc, c'est un peu le genre de mouvement qui peut faire. Et ben, c'est le pavot arctique a des petits poils sur sa tige, hein. Il est plutôt haut comparé aux autres plantes qu'on voit habituellement. Peut avoir 20, peut-être 25 cm de haut, mais avec une tige très ben, gardée au chaud et la forme de la fleur, en fait, permet à la lumière, ben, à l'air d'abord de réchauffer l'air. Donc, la forme de la fleur, un peu en forme de coupole, ça permet de garder la chaleur. Et la fleur va littéralement suivre le soleil pendant l'été pour maximiser l'apport de lumière. Donc, Ah peut-être oui. ce à quoi Quelle vous pouvez couleur, penser. le pavot de l'Arctique, mais quelle Il couleur? est jaune, il est superbe. C'est une plante qui est très appréciée des pollinisateurs, justement. En fait, ça sert à ça, hein, sa belle coupole jaune dans la toundra. C'est très attirant là, pour les bourdons, les abeilles qui vont venir polliniser la fleur. Ah ouais. Non, en fait, là, j'entends parler de fleurs jaunes, de fleurs mauves. C'est coloré à la toundra tout au long de l'été, il y a des petites fleurs qui sortent ici et là. Oui, ici, dès le début, en fait, souvent, il faut se pencher, hein, il faut s'approcher du sol pour voir les couleurs. Je pense que parfois, ben, les néophytes, les gens qui sont pas habitués à la toundra, j'ai déjà entendu, oh non, tu sais, je vais dans la toundra en juin, ça va être beige, ça va être gris, c'est pas très intéressant, mais c'est pas vrai, hein. C'est peut-être que lorsqu'on regarde le paysage au loin, c'est les couleurs dominantes, mais lorsqu'on s'intéresse aux différentes plantes près du sol, là, on va voir l'apparition justement de ces petites fleurs roses, mauves, qui vont vraiment donner un élan de couleur à la toundra. Puis on en a justement avec le pavot qui donne du jaune, on a du blanc, donc on a toutes sortes de couleurs durant la saison de croissance. J'imagine que généralement, c'est des fleurs de petite taille quand même. Même la Oui. plante est petite, mais la fleur, à part le pavot, peut-être les fleurs sont petites. Oui, c'est effectivement, tout est un peu, tout suit la taille un peu de la partie, Miniaturisé. donc la petitesse. Et là, donc, à propos des pollinisateurs, donc, parce que c'est bien d'avoir des plantes qui ont des stratégies pour résister au froid, au vent, mais il faut qu'elles arrivent à se reproduire surtout, sinon ça marche pas. Donc là aussi, est-ce qu'il y a des stratégies pour faciliter la reproduction des plantes? Oui, ben, il y en a, comme j'ai mentionné, qui vont avoir des fleurs très colorées pour attirer les pollinisateurs. Mais faut garder en tête que dans l'Arctique, ben, lorsqu'on produit des graines, les hivers sont rudes. C'est pas certain nécessairement que ces graines-là vont être capables de germer lors des étés suivants. Donc, on a des plantes qui vont produire des tubercules ou même des rhizomes souterrains pour être Ouais. prêtes à pousser dès que le printemps revient, dès que la chaleur revient, elles se mettent à Okay. pousser immédiatement. Donc, ça, c'est une adaptation intéressante. Ça, là, par contre, on est dans une forme de reproduction végétative. Oui, absolument, c'est Un ça. clone. La plante se fait un Oui, la clone plante refait d'elle-même. un clone pour exactement. Il y a d'autres plantes, par contre, qui vont utiliser un peu les caractéristiques dominantes de l'environnement pour se disperser. On peut penser à la linaigrette, qui est peut-être pas parlant comme nom en français, mais si je vous dis Arctic Cotton Grass en anglais, est-ce que vous avez une meilleure idée de à quoi ça pourrait ressembler? Non, je sais pas trop une plante comment une plante grasse qui fait du coton Ben, c'est ça, c'est l'idée du coton. En fait, c'est une plante qui ressemble, c'est une tige et au bout, on a une petite touffe de soie blanche, littéralement comme une petite boule de coton au bout. Donc, son nom anglais est un peu plus parlant qu'en français. Et ces plantes-là, ben, un peu à la manière du pissenlit, hein, elles vont maximiser l'effet du vent dominant. Comme il y a énormément de vent, ben, l'idée, c'est que les petites soies qu'on retrouve sur la plantes sont attachées à une graine et lorsqu'il y a les grands vents et que les graines sont à maturité, elles vont se disperser dans le territoire. Donc, Elle trouve un c'est endroit où il fait bon germer. oui, c'est ça. Évidemment, c'est toujours le défi. Mais ces plantes-là, on les retrouve principalement dans des milieux humides, donc dans les tourbières arctiques. Dès que c'est très mouillé, elles apprécient ce genre d'environnement-là. Donc, c'est comme ça qu'elles se dispersent année après année. Les Inuits vont la nommer Supoutik, ça signifie souffler. Donc, on comprend bien dans quel environnement elle pousse. Les Inuits disent que l'envol des soies, c'est signe que la peau du caribou est de la bonne épaisseur pour faire la fabrication des bottes. Oh, c'est intéressant Donc, ça. oui, donc on est dans une temporalité. Ça signifiait que lorsque les caribous étaient chassés en même temps que la linaigrette perdait ses graines, eh bien, c'était le bon type de peau qu'on recherchait pour faire les bottes qui allaient nous garder au chaud durant toute l'année. C'est intéressant ça Oui. comme concept là, Oui, ouais, l'observation des Inuits. Et Et puis, c'est une plante. les Inuits, est-ce qu'ils s'en servent de cette espèce de duvet là, de coton de la plante? Oui, ben actuellement, même encore traditionnellement, mais même encore actuellement, on va recueillir les soies, donc les petites boules blanches qu'on retrouve dans les tourbières, pour faire la mèche d'une lampe. Donc, les Inuits ont le relique, c'est une lampe en stéatite, une lampe en pierre, qui était traditionnellement utilisée pour les garder au chaud dans l'igloo, pour faire de la lumière. Désormais, on l'utilise de façon plus traditionnelle, donc avant certains événements, lors de commémorations. Mais on va toujours recueillir les petites soies pour faire la mèche, qui, une fois imbibée d'huile, de grotte phoque, désormais, ça peut même être de l'huile végétale achetée à l'épicerie. Ça Ouais. permet, oui, ça permet à la mèche de s'enflammer et Ah d'illuminer la pièce là, pendant longtemps, là, le temps que la mèche brûle. Traditionnellement, on l'utilisait aussi comme matériau de rembourrage. C'est un peu ce qu'on a le goût de faire naturellement. Hein. Lorsqu'on regarde là, les petites touffes blanches, on a le goût de les amasser, de les mettre dans nos mitaines. Ça garde un peu ouais. au chaud. Une utilisation que j'ai trouvée très mignonne, c'est qu'on les utilisait aussi, jadis, comme pansement pour le nombril et nouveau-né. Sûr, non, ça Donc, c'est oui, quelque chose que ouais. c'est très doux et chaud et je pense que ça doit être très utile pour ce genre de Ah ouais. pansement-là. Mais finalement, l'Arctique, là, c'est pas un désert, là. Il y a plein de petites Et plantes c'est qui poussent, ça. c'est coloré, ça donne Oui. presque envie d'aller s'y promener, d'aller Oui. prendre une marche. C'est un petit peu loin pour la plupart des auditeurs, auditrices que nous sommes, mais ben, en tout cas, on aimerait savoir un petit peu à quoi ça ressemble. Ça donne un petit peu envie d'aller y jeter un œil, en tout cas. Oui, c'est un peu ce que j'essaie d'expliquer aux gens, là, de ne pas le voir comme un désert, mais de le voir vraiment comme un écosystème riche avec des plantes, des animaux, des espèces qui se sont adaptées de façon vraiment absolument géniale à cet environnement-là qui a l'air si hostile, là, de prime abord. C'est ça, ça a l'air hostile, mais en même temps, c'est habité. Il y a les pollinisateurs qui vont butiner. Donc, c'est habité. Alors, bah, merci beaucoup, Rachel, pour cette virée dans l'Arctique. Je rappelle que Rachel, comme vous avez pu l'entendre d'ailleurs, collabore avec les Inuits du Nunavik et connaît les traditions, la connaissance des Inuits du Nunavik. Alors, merci beaucoup, Rachel. Merci Valérie, à la prochaine. Oui, à la prochaine certainement. On a envie d'entendre parler encore de l'Arctique. Alors, on fait une petite pause sur CKRL 89.1 et au retour, on parle d'intelligence artificielle avec Mathieu Dugal. Prête-moi ta plume pour écrire un mot.